Je vous demande pardon, dit avec une touchante fierté le maréchal Hulot au prince de Wissembourg. Allons, tutoie-moi toujours, Hulot, répliqua le ministre en serrant la main de son vieil ami. Le pauvre lancier n'a tué que lui, dit-il en foudroyant Hulot d'Hervy d'un regard. Combien avez-vous pris? Dit sévèrement le comte de Pforzheim à son frère. 200 000 francs. Mon cher ami, dit le comte en s'adressant au ministre, vous aurez les 200 000 francs sous 48 heures. On ne pourra jamais dire homme portant le nom de Hulot a fait tort d'un denier à la chose publique. Quel enfantillage, dit le maréchal. Je sais où sont les 200 000 francs, et je vais les faire restituer. Donnez vos démissions et demandez votre retraite, reprit-il en faisant voler une double feuille de papier tellière jusqu'à l'endroit où s'était assis à la table le conseiller d'État dont les jambes flageolaient. Ce serait une honte pour nous tous que votre procès. Aussi ai-je obtenu du Conseil des ministres la liberté d'agir comme je le fais. Puisque vous acceptez la vie sans l'honneur, sans mon estime, une vie dégradée, vous aurez la retraite qui vous est due. Seulement, faites-vous bien oublier.